Michel Thomas disait dans ses cours que le français et l'anglais ont en commun quelques 1200 mots qui finissent en « ion » et que la seule différence d'une langue à l'autre réside dans la « pronunciation » de ces mots. Il vous suffit donc de garder à l'esprit ces différences de prononciation pour avoir des centaines de mots en « ion » sur le bout de la langue et enrichir de manière considérable votre « English vocabulary ». Bien, alors commençons par revoir rapidement quelques exemples qui devraient vous être familiers. Les mots français en « t-i-o-n » ont la même terminaison en anglais, mais au lieu de prononcer « sion », on prononce « shun ». Il faut frapper la syllabe qui précède « shun ». Alors, comment direz-vous « condition » en anglais ? « Condition ». C'est ça, « condition ». Mais alors continuons sur notre lancée. Si le verbe « assister à » se dit « to attend » en anglais, et attention, watch out, car c'est bien to attend tout court, donc sans préposition équivalente au a français. Donc to attend signifie assister à, attend, A-T-E-N-D. Alors comment direz-vous, je ne peux pas assister à cette convention à Londres? I cannot attend this convention in London. I cannot attend this convention in London. I cannot, ou bien avec sa forme contractée, I can't. Et comment dira-t-on attention en anglais? Attention. Attention. Oui, écoutez bien le A initial prononcé E, attention. Et en anglais, pour dire faire attention à, prêter attention à, on dit to pay attention to, mot à mot, payer attention à. Alors, comment dira-t-on? Il est nécessaire de faire attention à la formation de cette sorte de transformation. It is necessary to pay attention. It is necessary to pay attention. À la formation de ce type de transformation. To the formation of this kind of transformation. C'est ça. To the formation of this kind of transformation. Bien, alors reprenez votre souffle et redites-moi la phrase entière. Il est nécessaire de prêter attention à ce type de transformation. It is necessary to pay attention to the formation of this kind of transformation. En voilà une phrase longue et élaborée. It is necessary to pay attention to the formation of this kind of transformation. Alors maintenant, sachant que organiser se dit tout simplement to organize, O-R-G-A-N-I-Z-E, comment direz-vous, l'association organisera une célébration samedi? Alors vous avez peut-être déjà vu avec Michel Thomas que pour le futur, on emploie will suivi du verbe nu, c'est-à-dire sans to. Alors l'association organisera une célébration se dira. The association will organize a celebration. The association will organize a celebration samedi. En anglais, on dira sur samedi, donc on Saturday. Et pour les autres jours de la semaine, consultez le livret d'accompagnement et n'hésitez pas à les employer pour créer vos propres exemples. Bien, donc vous voyez que les mots en sion n'ont pas de mystère pour vous en anglais puisque ce sont les mêmes qu'en français. Il y a bien sûr quelques rares cas particuliers dont Michel Thomas parlait déjà dans ses méthodes débutant et perfectionnement, comme explication, qui ne se dit pas explication, mais explanation, car le verbe expliquer se dit to explain, donc explanation. E-X-P-L-A-N-A-T-I-O-N. C'est le mot en anglais pour dire explication. Et de la même manière, traduction ne se dit pas traduction, mais translation. Et là encore, ça aide de connaître le verbe, puisque traduire se dit to translate. Alors, est-ce que vous pouvez me répéter les mots anglais pour explication et traduction? Explanation. Translation. Explanation et translation, c'est ça. Alors, maintenant que vous savez dire traduction en anglais et sachant que mot se dit word, W-O-R-D, facile se dit easy, E-A, S-Y, et que deviner se dit to guess, G-U-E-2-S, Comment direz-vous, la traduction de ce mot n'est pas facile à deviner? Alors, une petite précision, ici pour dire « de » dans l'expression « de ce mot », on dit « for ». The translation for this word is not easy to guess. The translation for this word is not easy to guess. Oui, c'est ça. Alors, vous ne connaissez peut-être pas la traduction de certains mots, mais vous connaissez déjà celle de plusieurs centaines d'autres mots et ce n'est qu'un début. Alors, de manière générale, n'hésitez pas à faire appel à votre imagination. Imagination, especially when you're inventing your vocabulary in English. Alors, vous savez notamment dire prononciation en anglais. Pronunciation. Oui, c'est ça. Pronunciation, qui s'écrit avec UN et non pas ON comme en français. Donc, PRONUNCIATION, qu'on prononce pronon, pronunciation. Donc, on frappe la syllabe qui vient juste avant la terminaison shun. Alors, comment direz-vous? Grâce à vous, ma prononciation est très bonne. Thanks to you, my pronunciation is very good. Thanks to you, my pronunciation is very good. Et si c'est bien le cas, tant mieux. Je m'en réjouis et je vous en félicite. Vous avez en plus l'avantage d'écouter two different accents, deux accents différents, donc un accent britannique avec Sarah et un accent américain avec Vincent. Pour ce qui est des mots en kshun, c'est tout aussi prévisible puisqu'on retrouve la même terminaison en anglais qui se prononce kshun. Alors par exemple, action se dira action, conviction conviction, construction construction et satisfaction satisfaction, pour n'en citer que quelques-uns. Et attraction donnera bien sûr attraction. Ok, attraction.